Chapitre 18. Surprise et indignation de M. de Gerville. Madame de Montclair et Gisèle visitèrent les oiseaux et le Sacré-Cœur. Gisèle préféra les oiseaux. Elles y retournèrent. On leur en fit voir encore tous les détails. La supérieure permit à Gisèle de jouer avec les élèves qui étaient en récréation pour la demi-heure du goûter. Pendant que Gisèle faisait connaissance avec ses futures compagnes, Madame de Montclair expliquait à la supérieure la position et le caractère de Gisèle. La supérieure, femme d'une grande intelligence et d'une haute piété, comprit tout de suite que ce n'était pas seulement une élève de plus à accepter, mais une bonne œuvre à faire. Elle promit d'y veiller avec le plus grand soin, d'user avec Gisèle d'une grande fermeté et en même temps d'une grande douceur. Elle entra tout à fait dans la pensée de Madame de Montclair de donner asile à Gisèle le plus tôt possible afin de ne pas lui laisser le temps de changer d'idée. Il fut donc convenu qu'on l'amènerait à demander elle-même d'entrer au couvent dès le lendemain. Quand la récréation fut terminée, Gisèle s'était déjà liée intimement avec deux ou trois élèves de son âge. Elle grillait de les retrouver le plus tôt possible. « Viens demain, je t'en prie, » lui dirent ses nouvelles amies. « Nous avons congé pour la fête de notre première maîtresse. »« je viendrai, je vous le promets, nous allons bien nous amuser. Adieu, mes bonnes amies, je vous aime déjà beaucoup. »« Et nous, donc, nous t'aimons beaucoup aussi, nous serons bien heureuses ensemble, tu verras. »« Adieu, adieu !» Gisèle rejoignit sa tante et elles partirent pour faire des emplettes. Gisèle était folle de joie, elle baisait les mains de sa tante, elle la remerciait. « Demain, dit-elle, je me lèverai de bonne heure. » Madame de Montclair. « Pourquoi faire, ma fille ?» Gisèle. « Pour entrer au couvent, plutôt. » Madame de Montclair. « Comment pour entrer au couvent ? Tu ne pourras pas entrer au couvent demain ?» Gisèle. « Pourquoi cela, ma tante ?» Madame de Montclair. « Pour donner à maman et à papa le temps de te voir, de s'habituer à la pensée, de se séparer de toi. » Gisèle. « Oh, quant à ça, le plus tôt sera le mieux. Ils pleureront, ils voudront me faire rester, peut-être ? Je serai désolée. Je vous en prie, ma bonne tante, faites-moi entrer demain. Il y aura congé pour la première maîtresse. Ce sera amusant. Je veux absolument entrer demain matin. » Madame de Montclair. « Arrange-toi avec tes parents pour cela. Moi, je ne demande pas mieux. Je viendrai te chercher quand tu voudras. » Gisèle. « Merci, merci, bonne tante. C'est vous que j'aime. Vous m'avez toujours fait du bien. » Elles achetèrent au magasin du Louvre ce qu'il fallait à Gisèle pour son trousseau. De là, elles allèrent choisir des petits souvenirs que la tante engagea Gisèle à donner à ses parents et à sa bonne. Elles revinrent à la maison les mains pleines. Gisèle était radieuse. Madame de Montclair était gaie et satisfaite. Léontine était encore seule. Son mari n'était pas rentré. La joie de Gisèle, son enthousiasme du couvent et de ses nouvelles amies remplit Léontine de tristesse. Madame de Montclair chercha en vain à la distraire. La pensée de perdre sa fille pour 2 ans lui faisait saigner le cœur. Elle contemplait Gisèle avec amour et avec douleur. Monsieur de Gerville rentra enfin. Gisèle courut à lui. « Papa, » dit-elle en l'embrassant, « m'aimez-vous ? » Monsieur de Gerville, « si je t'aime, mon amour, mon ange, oui, je t'aime et t'aimerai toujours. » Gisèle, « alors, papa, voulez-vous m'accorder une chose qui me rendra bien heureuse ? » Monsieur de Gerville, tout ce que tu voudras, cher ange, parle, que demandes-tu ? Gisèle, vous me le promettez, vous me le jurez. Monsieur de Gerville, riant et l'embrassant, je le promets, je le jure, je te permets de ne plus m'aimer si je ne tiens pas mon serment. Gisèle, eh bien, mon cher papa, il faut que vous me permettiez d'entrer au couvent. La surprise et le saisissement firent tomber Monsieur de Gerville dans un fauteuil. Monsieur de Gerville, au couvent ? « Tu es folle, Gisèle. Au couvent ? Mais non, c'est une plaisanterie, c'est impossible. C'est pour rire que tu me demandes une pareille folie. » Gisèle. « du tout, papa, c'est très sérieux. J'ai été au couvent, c'est charmant, les élèves sont charmantes, tout est charmant, et je veux y entrer demain. » Monsieur de Gerville. « Comment, quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas. » Gisèle. « Je dis que je veux entrer au couvent des oiseaux, demain. » Monsieur de Gerville la regarda avec une telle surprise que Gisèle éclata de rire. Gisèle. « J'ai prié ma tante de me mener au couvent demain, et j'irai. » Monsieur de Gerville. « Je te le défends, tu n'iras pas. » Gisèle. « J'irai. Cela m'est bien égal que vous me le défendiez, j'irai. » Monsieur de Gerville. « Gisèle, mon ange, mon trésor, si tu me quittes, je mourrai de douleur. » Gisèle. Du tout, du tout, vous ne mourrez pas. Voyez comme maman est raisonnable. Elle ne dit rien. Elle veut bien, elle. Vous dites que vous m'aimez et vous me refusez une chose que vous m'avez promise. Monsieur de Gerville, je ne t'ai jamais promis de te mettre au couvent. Gisèle, non, mais vous m'avez promis tout à l'heure de m'accorder ce que je vous demanderai. Je demande le couvent et il faut que vous teniez votre promesse. Madame de Montclair s'approcha de Victor et lui dit tout bas, « Cédez, cédez, Victor, n'ayez pas peur, elle n'y restera pas 8 jours. » Monsieur de Gerville, vous croyez, ma tante ? Madame de Montclair, c'est évident. Et si vous l'excitez, nous allons avoir une grêle d'impertinence et un déluge de larmes. Victor hésitait encore. Gisèle se jeta à son cou, l'embrassa, le combla de caresses. Il dit « Oui, enfin !» Gisèle poussa un cri de triomphe. Léontine étouffa un gémissement. Monsieur de Gerville, étourdi, hors de lui, croyait rêver. Le domestique annonça le dîner. Ils passèrent tous dans la salle à manger machinalement, sans se rendre compte de ce qui venait de se passer. Pendant le dîner, madame de Montclair fit si bien par ses plaisanteries, par ses persiflages bienveillants du beau parti que prenait Gisèle, par ses recommandations de tenir les portes ouvertes pour que Gisèle puisse rentrer à la maison sans esclandre, etc., que Victor et Léontine finirent par se persuader bien réellement que leur fille ne ferait qu'une absence de quelques jours. Le calme fut rétabli, la gaieté même revint. Quand Pierre, Noémie et ses sœurs vinrent le soir d'après la demande instante de Léontine, ils apprirent avec surprise égale à celle de Victor l'entrée de Gisèle au couvent. Le consentement facile des parents, la joie de Gisèle, leur semblait incompréhensible. Madame de Montclair entraîna Pierre dans un coin et lui expliqua comment elle avait tout préparé et arrangé. « Pierre, c'est le plus grand service que vous ayez pu leur rendre à tous, ma chère tante. Si votre plan réussit, si Léontine et Victor ne détruisent pas l'ouvrage du couvent, vous aurez fait le bonheur de Léontine et de Gisèle. » Il fut donc convenu que le lendemain, à midi, madame de Montclair viendrait chercher Gisèle et l'amènerait au couvent. Monsieur de Gerville et sa femme devaient y aller le jour d'après pour voir comment elle s'y trouvait et si elle comptait y rester. Gisèle, très contente de l'arrangement, alla se coucher et recommanda bien à sa tante d'être exacte. La soirée se passa en étonnement et en admiration de la fantaisie de Gisèle, de l'habileté de madame de Montclair, de la résignation de Victor et de Léontine et de la satisfaction de tout le monde. Noémie, et que feras-tu de la bonne de Gisèle, Léontine ? Veux-tu nous la passer ? Laurence et Blanche cherchent une femme de chambre pour remplacer la leur qui se marie. Léontine, je compte garder Émilie. Gisèle sera peut-être revenue dans 8 jours, et certainement avant 1 mois, elle retrouvera sa bonne qui est complaisante et excellente pour elle. Chacun sourit de l'espoir de Léontine, car tous avaient compris que quoi qu'il arrivât au couvent, Gisèle y resterait parce qu'elle s'y trouverait plus heureuse qu'à la maison, et que l'amour-propre qui la dominait au plus haut degré s'y trouvait engagé. Le lendemain fut un jour douloureux pour la pauvre Léontine et pour Victor. La satisfaction de Gisèle se manifesta même au moment du départ. Pas une larme, pas un soupir, pas un regret ne furent accordés à la mère dévouée mais faible, au père complaisant mais déraisonnable. Le père et la mère étaient encore sur le perron, essuyant les larmes qui s'échappaient malgré eux, quand Gisèle poussa un soupir et dit à sa tante, « Je plains, pauvre maman, et pourtant je suis contente de ne plus être là. Je ne pouvais plus me contenir devant les tendresses excessives de papa et les baisers de maman. » Madame de Montclair, « Les tendresses de tes parents auraient dû te toucher, Gisèle. » Gisèle, « C'est vrai, ma tante, maman surtout, mais si vous saviez comme c'est impatientant d'être sans cesse embrassée, réembrassée, regardée avec amour, adulée, approuvée à tort, adorée enfin, quand soi-même on est indifférente et ennuyée, vous ne vous étonneriez pas de me voir enchantée de la séparation. Ce n'est que pour 2 ans d'ailleurs, 2 ans sont bien vite passés. » Madame de Montclair, je crois que tu ne diras pas de même dans 2 jours ou 2 semaines. Gisèle, vous croyez ma tante? Vous verrez. Gisèle fut reçue avec empressement, ses amis de la veille lui firent oublier jusqu'à sa tante qu'elle laissa partir sans lui dire adieu. Le lendemain, la visite de son père et de sa mère ne lui fit que peu de plaisir, parce qu'elle perdait sa récréation avec ses amis et qu'elle fut embrassée plus de 100 fois. Sa première sortie lui fut agréable parce qu'elle fut questionnée, admirée par plusieurs amis de ses parents et qu'elle fit tout ce qu'elle voulut du matin au soir. La rentrée fut joyeuse, son père qui l'avait ramenée fut consterné de la gaieté insouciante qu'elle témoigna. Il avait laissé Léontine et Pierre avec madame de Montclair. Quand il vint leur rendre compte de la manière dont s'était faite la séparation, il mit une telle froideur dans son récit que Léontine lui reprocha son indifférence pour sa malheureuse enfant. Monsieur de Gerville. Malheureuse ! Ah ah ah ! Elle est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Elle est enchantée de nous avoir quittés. Elle ne pèse pas une once. Nous sommes bien bons de nous tourmenter pour cette petite ingrate. Léontine. Ingrate, Victor, c'est mal ce que tu dis. Monsieur de Gerville. Oui, ingrate, je le répète, une ingrate. Tu crois qu'elle t'aime ? Pas plus que moi. Une petite fille sans cœur, voilà ce qu'elle est. Mes yeux sont bien ouverts sur son compte à présent. Qu'elle revienne à la maison et tu verras si je la gâte. Léontine sentait que son mari disait vrai. Elle pleura. Que pouvait-elle faire ? Sa fille ne dépendait plus d'elle. « Je suis mère sans enfant, » dit-elle. « Ah, si le bon Dieu nous avait accordé d'autres enfants, comme je le lui ai tant demandé, j'en aurais encore pour m'aimer et m'entourer. » Monsieur de Gerville. « Ils auraient fait comme Gisèle. C'est bien la peine de s'éreinter à élever ses enfants pour les voir tourner en cœur de marbre. » Madame de Montclair. « Cela dépend de la manière de les élever, mon cher. Tout ce que vous venez de dire est très juste, sauf votre dernière réflexion. Je me suis tuée à vous dire que vous gâtiez Gisèle, que vous la rendriez insupportable, que vous prépariez votre malheur. Pierre vous l'a dit 20, 100 fois, Noémie l'a dit, votre amie Tocambelle l'a dit, tout le monde l'a pensé. Et vous avez continué, envers et contre tous, et vous criez maintenant, vous accusez Gisèle. La voilà au couvent, hors des atteintes de vos gâteries. Laissez-la s'élever là-bas, elle vous reviendra charmante, aimable et respectueuse. Quant à vous aimer plus ou moins, cela dépendra de vous. » Victor ne répondit rien. Il quitta le salon. Léontine comprit très bien la justesse du raisonnement de sa tante. Elle reprit courage et leur demanda à tous de l'aider à remonter son mari.